إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. Nous avions évoqué durant le cours précédent le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija radiallahu tabaraka wa ta'ala anha et quelques qualités de cette femme qui somme toute sera la première croyante en islam, la première à croire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Hisham rahmallah rapporte de Ibn Ishaq un événement ou une guerre qui éclata et qui causa la mort de plusieurs personnes. Le messager sallallahu alayhi wa sallam avait alors 10 ans. Cet incident était initialement une dispute qui éclata dans le marché de l'Ukaz, proche de la Mecque. Cette guerre fut appelée Harbul Fijar, car les provocations et les hostilités commencèrent alors qu'il se trouvait dans les mois sacrés, notamment le mois de Shawwal. Elle opposa deux grandes tribus arabes et leurs alliés, les Kinana et leurs alliés Quraysh d'un côté, et la tribu de Qais Aylan de l'autre. Tous descendants de Adnan, comme nous l'avons vu dans les cours précédents. Au-delà de cette guerre qui éclata entre ces deux grandes tribus, les savants se sont posé la question, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a participé, alors qu'il avait 10 ans? Certains rapportent que le messager sallallahu alayhi wa sallam participa à cette guerre à sa manière, en récupérant les flèches des ennemis et en les donnant aux siens, afin qu'ils puissent en servir contre leurs ennemis. De cette manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une participation plus ou moins directe dans cette guerre et il préparait les flèches qui servaient à combattre, voire tuer les ennemis parmi les Qais Aylan. Cependant, cette participation du messager sallallahu alayhi wa sallam à cette guerre est rapportée sans chaîne de transmission. De plus, cette participation n'a jamais été mentionnée par le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, on ne peut s'appuyer sur les paroles d'Ibn Ishaq ni celles d'Al-Waqidi pour prouver quoi que ce soit dans cela. Mais cela va soulever une question importante sur laquelle je reviendrai dans peu de temps. Il y a aussi un autre événement qui se produisit durant cette période avant la prophétie. C'est ce qu'on appelle le pacte des Mutayyibin. Le pacte des Mutayyibin. Mutayyibin, littéralement, ceux qui se sont parfumés ou qui ont utilisé du parfum. En effet, parmi les événements importants auxquels a participé le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa jeunesse est le pacte des Mutayyibin. Ibn Ishaq, comme Al-Waqidi, l'ont tous deux aussi rapporté sans chaîne de transmission. Seulement ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il participa à ce pacte et en fut très fier. Il dira même plus tard « Shahidtu hilf al-mutayyabin ma'a umumati wa ana ghulam. Fama uhibbu anna li humra al-na'am wa anni ankusuhu. » Vous pouvez retrouver ce hadith dans le Musnad de l'imam Ahmed sous le numéro 190 et ce hadith a été rendu bon par Cheikh al-Albani qu'il l'a rapporté dans Al-Silsilati Sahiha sous le numéro 524 du quatrième volume. Que dit ce hadith? Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, j'ai assisté au pacte des Mutayyabin avec mes oncles paternels alors que j'étais encore jeune. Il me déplairait de rompre ce pacte même si je possédais tous les meilleurs chameaux. Ce pacte fut appelé de la sorte car chacun des signataires de ce pacte se parfumèrent. Ce pacte fut conclu chez Abdullah ibn Jud'an entre les Bani Hashim, les Bani Umayyah, les Bani Zuhra et les Bani Makhzoum. Et il consistait à se secourir mutuellement, à secourir l'opprimé et aussi de récupérer de l'oppresseur ce qui revient de droit à l'opprimé afin de le restituer à ce dernier. Voilà pourquoi il est appelé aussi « Half al-Fudul » qui vient du terme de l'fadl en arabe qui veut dire el-ziyada, le rajout ou le surplus. car on rendait par cela l'excédent des biens pris injustement à leurs ayants droit. Mais dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné, ou lui-même mentionne, Hilf al-Mutayyabin. Alors qu'en réalité, ce pacte est appelé Hilf al-Fudul. Comment expliquer cela alors? Les savants expliquent cela par le fait que les tribus qui ont conclu le pacte des Mutayyabin à la mort de Qusay ibn Kilab sont les mêmes tribus qui conclurent le pacte del Fudul en présence de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela explique pourquoi le messager déclare avoir assisté au pacte des Mutayyabin alors qu'en réalité il a assisté au pacte del Fudul. Il est clair que le pacte ancien des Mutayyabin, alors que le prophète n'était même pas encore né, n'est pas aussi clair et limpide dans le fait de secourir l'opprimé, comme l'est le pacte del Fudul, duquel s'est vanté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'y avoir assisté. C'est d'ailleurs le seul pacte des polythéistes que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné et dont il a assisté. Il s'en est vanté, car ce pacte était empreint de justice et poussé à secourir l'opprimé. C'est d'ailleurs sur ce principe que le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé aux gens, indépendamment du fait qu'il fut mis en place par les polythéistes. Comme je vous l'ai dit un peu auparavant, il y a une question majeure qui est soulevée ici. Lorsque j'ai évoqué la prétendue participation du prophète à cette guerre de Harb al-Fijar, guerre qui éclata durant les mois sacrés. Vous n'êtes pas sans savoir que les hostilités, les guerres, les conflits dans les mois sacrés sont totalement interdits. Ce sont des mois qui sont sacrés. La sacralité doit être respectée. Pas de sang qui doit être coulé, pas d'hostilité, pas d'injustice, encore plus que d'habitude. Or, cette guerre-là éclata durant ce mois sacré de Shawwal. Est-ce que le prophète a participé à une guerre qui impliquait une désobéissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La question qui est soulevée ici est la problématique de l'immunité du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avant la prophétie, et par extension, après la prophétie. Les savants sont unanimes sur le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est immunisé contre la mécréance, immunisé contre le polythéisme, avant la révélation et après celle-ci. Il est de même immunisé contre les grands péchés, après la révélation et avant celle-ci. Certaines narrations faibles mentionnent que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, durant sa jeunesse, fut préservé d'écouter de la musique ou de participer à des fêtes de mariage, dans lesquelles on pouvait retrouver toutes sortes de désobéissances et d'impolitesses. Cependant, il est prouvé par des chaînes de transmission authentiques qu'il lui fut interdit de lever son izar. Le izar, c'est le vêtement du bas qu'avaient l'habitude de porter les Arabes à cette époque. Pour cela, nous avons un hadith. Hadith de Jabir ibn Abdullah. Annahu qal, Lamma buniyat al-Ka'bah, dhahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanqulu al-hijara. Faqala al-Abbas li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ففعل فخبر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال إزاري فشد عليه إزاره. Lorsque la Kaaba fut reconstruite, comme l'a rappelé Jabir ibn Abdullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam portait les pierres qui servaient à sa reconstruction. Al-Abbas dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mets ton izar sur ton épaule afin d'y poser les pierres. Ceci sous-entend qu'il va être à se découvrir et à montrer une partie de sa nudité. Il s'exécuta, sallallahu alayhi wa sallam, et tomba évanoui, s'effondra par terre. Ses yeux se rouvrirent en direction du ciel, il se leva et dit, mon izar, puis il le prit et le serra contre lui, ou le serra sur lui. Ibn Abbas proposa cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si et seulement si ce dernier se trouvait loin des gens. Cela impliquait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam découvrit sa nudité ou une partie de celle-ci. Lorsque le prophète s'exécuta, pensant qu'il n'y avait aucun mal dans cela, il tomba évanoui comme si Allah l'avait préservé de se dévêtir. Lorsqu'il se réveilla, son premier réflexe fut de demander son izar et il le serra sur lui. Il avait alors, lors de la reconstruction de la Kaaba, 35 ans. Il est à noter que le fait de se mettre nu à cette époque n'était pas une chose étrange ou très déplacée. Rappelez-vous d'ailleurs, lorsque nous avions évoqué certaines pratiques religieuses des Arabes durant l'époque pré-islamique, certains tournaient autour de la Kaaba nue, sauf les Homs, qui eux s'interdisaient cela. Cette pratique dura jusqu'à ce que l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam leur interdit cela en l'an 9 de l'Hégire par l'intermédiaire de Abi Bakrin qui dirigeait cette année-là le pèlerinage à la maison sacrée. Le prophète lui a dit: Allah yahujja ba'd al-ami mushrikun wa la yatufa bil bayti uryanun. Qu'aucun polythéiste n'accomplisse le hajj après cette année-ci et que personne ne tourne autour de la demeure nu. Comme ceci a été rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari sous le numéro 164. Ibn Hajar, rahimahullah tabarak wa ta'ala, commenta le hadith précédent et dit: Ibn Hajar, rahimahullah tabarak wa ta'ala, commenta le hadith précédent de Jabir ibn Abdullah et dit: dans ce hadith, il fut sallallahu alayhi wa sallam préservé de commettre ce qui est détestable, ceci avant la révélation et après. Fin de citation. La conclusion de tout cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut sous la prophète La conclusion de tout cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut sous la protection d'Allah jalla jalaluhu et par conséquent, il ne fut pas touché par la mécréance, l'idolâtrie, la perversité, l'injustice et l'impolitesse. Il bénéficia d'une immunité contre toutes ces choses-là. Les exemples en cela sont nombreux et en voici quelques-uns. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était surnommé El-Amin, preuve qu'il n'était pas connu pour mentir ou trahir ou même tromper les gens, bien au contraire. Et lorsque les Quraïchites ont reconstruit la Kaaba, les clans se disputèrent l'honneur de poser la pierre noire jusqu'à ce qu'ils s'entendirent sur une chose. Ils dirent: le premier qui viendra dans le sanctuaire par la porte des Bani Shaïba, la porte des Bani Shaïba, c'est celle qui fait face ou qui faisait face à la porte de la Kaaba en face du Maqam Ibrahim. Elle n'existe plus actuellement, mais c'est cet endroit-là. Donc le premier qui viendra dans le sanctuaire par la porte des Bani Shaïba aura l'honneur de poser la pierre noire. Allah voulut que ce fût le messager qui entra par cette porte. Et lorsqu'ils le virent, ils dirent presque d'une seule voix: Vous a été envoyé El-Amin, vous a été envoyé El-Amin. Comme le raconte Abdallah ibn Sa'ib El-Makhzoumi, qui faisait partie de ceux qui reconstruisaient la Kaaba à cette époque. Cela montre la place qu'occupait le messager sallallahu alayhi wa sallam parmi les Quraysh, et qu'il jouissait de cette notoriété d'homme intègre, car il était réellement ainsi. Deuxièmement, le prophète, avant la révélation, accomplissait le pèlerinage, et lorsqu'il devait déferler, il le faisait de Arafat, comme le faisait son ancêtre Ibrahim, alayhi salam, et non de Muzdalifa, comme le faisaient les Homs. Homs, qui sont certaines tribus de Quraysh et d'autres, et qui se réclamaient être les réels dignitaires de Ismaïl. Ces derniers déferlaient de Mouzdalifa, car ils considéraient qu'ils ne devaient pas sortir des limites sacrées de la Mecque, alors que Arafat est en dehors des limites sacrées de la Mecque. Donc ils s'interdisaient de déferler de Arafat pour cette cause-là. Ils ne déferlaient que de Mouzdalifa. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à ce que faisaient ses proches, lui déferlait de Arafat à l'instar de Ibrahim alayhi salat wa salam. Jubair ibn Mut'im s'étonna de voir Muhammad déferler de Arafat alors qu'il devait déferler de Muzdalifa comme les siens. Il dit: celui-là par Allah est des Homs, que fait-il ici? C'est-à-dire celui-là par Allah fait partie de ceux qui ne doivent déferler que de Muzdalifa. Que fait-il ici à Arafat? Ce hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 175 et Muslim sur le numéro 894. Allah le préserva et le plaça sur la religion d'Ibrahim et d'Ismaïl. Il suivait leurs préceptes sur les rites du pèlerinage, dans le mariage et le commerce, comme l'a signalé l'imam al-Bayhaqi dans Dalail al-Nubuwa. Troisièmement, ou troisième chose qui marque le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne commettait pas les hérésies que commettait son peuple durant la Jahiliya, et que Zayd ibn Haritha, qui fut dans un premier temps le fils adoptif du prophète alayhi salatu wa sallam, jusqu'à ce que l'adoption filiale fût interdite en islam, a juré que le messager sallallahu alayhi wa sallam, avant la révélation, ne toucha aucune idole. En effet, les Arabes avaient l'habitude de toucher les idoles autour de la Kaaba lorsqu'ils faisaient le tawaf à chaque fois qu'ils passaient devant elle. Peut-être pour attirer ou s'attirer la bénédiction de ces idoles. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, faisait le tawaf, mais jamais ne touchait ses idoles. L'imam al-Bayhaqi dans Dalail al-Nubuwa, par une chaîne de transmission, alors que le messager tournait autour de la demeure antique, rapporte que Zayd ibn Haritha tournait à ses côtés. Ce dernier toucha certaines idoles et le prophète lui interdit cela. Puis Zayd recommença une seconde fois afin de s'assurer de l'interdiction du messager. Et le messager lui interdit cela de nouveau. Cela jusqu'à la révélation. Zayd ibn Haritha jura que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais touché une seule idole et ceci jusqu'à ce qu'Allah l'honora par la révélation. Cette narration a été rapportée par l'imam al-Tabarani dans le Mu'jam al-Kabir et l'imam al-Zahabi l'a rendue bonne. Quatrièmement, nous avions vu également précédemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait pas de la viande d'une bête égorgée sur les pierres dressées ni de la viande d'une bête non égorgée au nom d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'adorait ni les idoles ni ne les vénérait ni ne montrait une quelconque dévotion devant elle, bien au contraire, il s'en détournait ouvertement, sallallahu alayhi wa sallam. Cette immunité dont jouissait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant l'islam, perdurera bien sûr, et à plus forte raison, lorsqu'il sera prophète et messager d'Allah. Mais cela n'empêche pas que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ait pu se tromper, ou qu'il ait pu commettre des erreurs de jugement ou mal juger certaines situations. Car l'erreur est inhérente à la nature humaine et de ce fait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'humain, a commis ce type d'erreur, avant et après la révélation. Mais il convient de rappeler les points suivants. Ces erreurs ne sont pas liées à la transmission du message divin ou son explication. Car sur cela, le prophète est immunisé contre toute erreur ou tout oubli. Deuxièmement, le messager sallallahu alayhi wa sallam est immunisé contre la mécréance et l'apostasie, comme tout prophète d'ailleurs. Troisièmement, le messager sallallahu alayhi wa sallam est immunisé contre le polythéisme sous toutes ses formes et tout ce qui en découle, de manière directe ou indirecte. Quatrièmement, le messager sallallahu alayhi wa sallam est immunisé contre les grands péchés, avant et après la révélation. Cinquièmement, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est immunisé contre les petits péchés faits de manière préméditée. Tout ceci est loin du statut de prophète et de messager. Et le prophète est immunisé et protégé contre tout cela. Que reste-t-il? Il reste les petits péchés commis de manière involontaire. Cependant, Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'un prophète commet une erreur, si minime soit-elle, il en informe son messager immédiatement et ces derniers ou ce dernier s'en repent et ne perdure pas dessus. Cheikh Ibn Baz, rahimallah tabarak wa ta'ala, fut questionné. Un frère donne des cours à la mosquée et nous a dit « Le messager a commis certains petits péchés, est-ce que cela est juste ?» La réponse. Les savants divergent sur la question des petits péchés. Peuvent-ils être commis par les prophètes ? Il y a deux avis sur cette question. La majorité des savants voient que les petits péchés peuvent être commis par les prophètes, mais par inadvertance ou erreur de jugement. De plus, on leur fait savoir que cela est une erreur, de telle sorte qu'ils ne recommenceront pas une deuxième fois cette même erreur et ils se repentiront de celle-ci. On les met en garde contre ceci. Tout cela afin qu'ils ne continuent pas à les commettre, mais plutôt qu'ils les délaissent et s'en repentent auprès d'Allah. Quant aux grands péchés, ils ne peuvent en aucun cas être commis par des prophètes. Ils peuvent cependant commettre certains petits péchés sur lesquels Allah les a rappelés à l'ordre. Fin de citation. L'imam Shankiti, rahimahullah ta'ala, a dit dans son explication du Coran, Adwa ul Bayan, ce qui nous semble le plus vraisemblable dans cette question est que les prophètes, alayhimus salam, ne peuvent commettre ce qui viendra rabaisser et dévaluer leur statut élevé et leur position éminente, ni ce qui implique une erreur de leur part ou une défaillance les concernant. Et cela, dans l'hypothèse qu'ils aient commis certains péchés. Car si tel était le cas, alors ils auraient réparé cela par le repentir, la sincérité et un retour sincère vers leur Seigneur. Ils atteindront ainsi les plus hauts degrés, plus haut que celui n'ayant jamais commis un seul de ses péchés. Ce qui vient mettre en évidence cela est la parole d'Allah Jalla Jalalu, wa asa Adamu Rabbahu fahawa. Et Adam a désobéi à son Seigneur et s'est égaré, puis son Seigneur l'a choisi et a accueilli son repentir et l'a guidé. Dans Sourate Taha. Regarde quelle trace reste-t-il de la désobéissance et de l'égarement après qu'Allah ait accepté le repentir de cette personne et son élection. L'a guidé. Il ne fait aucun doute que la personne qui dérape atteindra par un repentir sincère un degré plus haut que celui dans lequel il se trouvait avant cela, et Allah est plus savant. Fin de citation. Enfin, je terminerai par ce qu'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans Mukhtasar al-Fatawa al-Misriya, dans le premier volume à la page 107. Il dit, si certains grands de ce monde, il veut dire par là, des prophètes et des gens vertueux, si certains grands de ce monde furent touchés par ce qui les poussa à se repentir de cela, c'est dans l'optique de parfaire la finalité et non de diminuer cette personne en premier lieu. Si le repentir n'était pas la chose la plus aimée auprès de lui, c'est-à-dire auprès d'Allah, la meilleure des créatures n'aurait pas été éprouvée par le péché. Fin de citation. En conclusion de tout cela, nous disons que le prophète, alayhi salatu wassalam, à l'instar des prophètes précédents, peuvent commettre des petits péchés par erreur, par inadvertance ou par mauvaise appréciation de la situation, mais seulement ils sont rappelés à l'ordre dans l'immédiat. Ils s'en repentent et cela ne fait que les élever en degré, de telle sorte qu'ils atteignent un degré meilleur que celui qu'ils avaient avant de commettre ce péché. Car le tawba et le repentir est un acte qu'Allah aime. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent fréquemment et ceux qui se purifient fréquemment. Nas'alullah jalla wa ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa nas'aluhu jalla wa ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.